Ce soir, Pop & Rock se lance un petit défi, ou plutôt vous lance un petit défi que vous allez devoir relever. Tous les groupes de ce Pop & Rock ont un seul point commun que partage le Genesis qui a brillamment ouvert notre 180e Pop & Rock. Restez bien jusqu'au bout pour la réponse à ce défi. Fire is Fire, hurlé par la plantureuse Bess Ditto, qui contribue à notre défi du soir. Pour vous aider, ne vous arrêtez pas au seul point du soir. Columbia, groupe très inspiré des 70s et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, c'est bien un groupe français qui chante ce splendide Holy Water. Allez, une idée pour ce point commun ou toujours pas? Pour réfléchir, voici deux titres enchaînés des Gold Girls. There's a hand reaching past the glance, ripping out all of the contents. There's a sense of a sadness, but only in what we've always been taught to listen with. And I'm a waste, and so are you in the face of all the stuff from the guy in the clouds who shouts down at us. And words remain in the suits of today, and I have no shame when I say step the fuck away. And I'll be glad that when it's the end, you'll be caught and torn when there's no law to fall in. Aimez nos émissions Pop'n Rock et tous les artistes que nous vous programmons, rendez-vous sur la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock. We'll be right back. Belle chèvre londonienne n'était plus venue nous rendre visite depuis longtemps. Un autre regret, avec Nida, on devait les voir au Sonic. À Lyon, on les a zappés. Mais revenons au thème de ce soir et fonçons sur le boulevard des rêves brisés.

pour le Graffreeze, j'ai un petit peu capillotracté le défi, alors je reviens à un groupe qui a un parfait point commun pour ce soir avec le reste de la programmation. Lundi de cet été, retrouvez Pop & Rock sur la trail locale RVR. By my sweet living nightmare, et à Ginzu j'enchaîne Girls in Hawaii. Non, le point commun n'est pas la Belgique. Attache bien son cerveau car voici les potes de Hannah Hooper avec leur délétère. Oh, Les particularités de Pop and Rock sur RVR, c'est qu'on adore les grands écarts musicaux. Voilà qu'arrive donc Gorillaz. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre 180e Pop & Rock, et pour trouver la réponse à notre défi lancé en début de Pop & Rock, foncez sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock, vous y trouverez la réponse, enfin si vous cherchez bien. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Battu sur la plaine, bise glaciale qui en serre son front. Le ciel fait ses glaçons. Souvenir qui passe et qui traîne.